Pas sûr pour une intervention militaire aujourd'hui, ça prend un État pour organiser ça et l'État est en effondrement. Ben oui, mais qu'est-ce qui est en construction? Vous pensez que ça arriverait pas, ça, des forces de l'ONU dans les rues de Montréal? Des militaires d'un peu partout, des militaires du Honduras, des militaires d'Australie, des militaires de Nouvelle-Zélande, dans une force commune. Qui ont toutes la même langue, l'anglais, pardon, et que, hein, pensez que c'est pas possible, ça? Il y a, en ce moment, c'est quoi les plus grosses armées, les plus puissantes en ce moment? Est-ce que c'est vraiment la Chine? Est-ce que non, c'est des coalitions. Puis il y a des militaires privés, il y a des corporations militaires qui font des opérations en Amérique du Sud, entre autres. Des mercenaires corporatistes. Mais pour revenir sur les militaires, là, vous pensez ils auraient mis la hache dans les armées des nations puis causé exprès des effondrements sans avoir une nouvelle force militaire internationale? Hein? Si les casques blancs deviennent des. Vous savez, là.